Troisième partie, chapitre 21, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 21. Avis et remède contre les mauvaises amitiés. Mais vous me demandez comment l'on peut se précautionner contre ces folles et impures amours. En voici les moyens. Dès la première atteinte que votre cœur en ressentira, quelque légère qu'elle soit, tournez-le tout d'un coup de l'autre côté, et avec une secrète mais ferme détestation de cette sensuelle vanité. Ayez recours en esprit à la croix du Sauveur et prenez sa couronne d'épines pour en faire, comme par la Sainte Écriture, une haie à votre cœur. De peur que, comme elle le dit aussi, ces petits renardeux n'en approchent. Gardez-vous bien d'en venir à aucune composition avec votre ennemi. Ne dites pas, je l'écouterai, mais je ne ferai rien de ce qu'il me dira. Je lui prêterai l'oreille, mais je lui refuserai le cœur. Ô filotée, armez-vous au nom de Dieu de toute la fermeté la plus rigoureuse en ces occasions. Le cœur et l'oreille ont des liaisons trop sympathiques pour croire que l'un ne soit pas touché de ce qui frappe l'autre. Et comme il est impossible d'arrêter un torrent qui a pris son cours, par les penchants de montagne, il est bien difficile que ce que l'amour a fait entrer dans l'oreille ne tombe dans le cœur. Une personne qui a de l'honneur ne se rendra jamais attentif à la voix de l'enchanteur. Si elle l'écoute, ô Dieu, quel mauvais augure de la perte de son cœur. La Sainte Vierge se troubla en voyant un ange parce qu'elle était seule, et qui lui donnait des grandes louanges, quoiqu'il ne lui parlât que de ciel. Ô sauveur du monde, la pureté craint un ange en forme humaine, et l'impurité ne devrait pas craindre un homme, encore qu'il parût en figure d'ange, s'il lui donnait des louanges pleines d'une flatterie vaine et sensuelle. Ce sont des complaisances que jamais aucune raison de bienséance et de respect ne peut ni permettre ni justifier, tout en s'attirer des reproches et se voir blâmer d'incivilité. Souvenez-vous bien qu'ayant consacré votre cœur à Dieu et lui ayant sacrifié votre amour, ce serait une espèce de sacrilège que de lui en faire perdre la moindre partie. Renouvelez même en ce temps votre sacrifice par toutes sortes de bonnes résolutions et de protestations, et en tenant votre cœur renfermé comme le cerf l'est dans son fort, réclamez l'assistance de Dieu. Il viendra à votre secours, et son amour prendra la vôtre en sa protection, afin qu'il soit tout entier pour lui. Que si votre cœur s'est déjà laissé prendre au piège de ses mauvais amours, ô Dieu, quelle difficulté que celle de l'en dégager. Prosternez-vous devant sa divine majesté. Reconnaissez en sa présence l'excès de votre misère, de votre faiblesse et de votre vanité. Ensuite, que votre cœur fasse le plus grand effort qu'il pourra pour détester ses amours commencés, pour abjurer la déclaration que vous en avez faite et pour renoncer à toutes les promesses que vous avez acceptées et former une vive et absolue résolution de ne jamais rentrer dans un tel commerce. Si vous pouviez vous éloigner, j'approuverais tout à fait cet éloignement, car s'il est véritable qu'un homme mordu par un serpent ne puisse pas aisément guérir en présence d'une personne qui a eu autrefois le même malheur, Cela est encore plus vrai de deux personnes dont un même amour a blessé le cœur. L'on a toujours dit que le changement de lieu est fort salutaire pour calmer les inquiétudes de la douleur et les empressements de l'amour. Ce fut aussi par cette raison que saint Augustin, sensiblement affligé de la perte de son cher ami, sortit de Tagaste où il était mort et s'en alla à Carthage. Et c'est ce que l'on vit en ce jeune homme débouché dont parle saint Ambroise au second livre de la pénitence et qui revient d'un long voyage entièrement guéri de ses folles amours. Dès le premier jour de son retour, il rencontre sans vouloir s'en apercevoir une personne qu'il n'avait que trop connue. Et comme elle lui dit, « Quoi ? Ne me connaissez-vous pas ? Je suis toujours le même. »« Oui, lui répondit-il, mais pour moi, je ne suis plus le même. » L'absence l'avait heureusement changé. Mais que doit-on faire quand on ne peut absolument s'éloigner ? Il faut absolument retrancher toutes les conversations particulières, tout le commerce secret, toutes les démonstrations muettes d'amitié, en amont, tout ce qui peut porter, universellement parlant, quelque attrait de cette mauvaise passion, ou pour le plus, si c'est une nécessité indispensable que de se parler, ce ne doit être que pour une fois et pour déclarer un peu de parole et avec beaucoup de force le divorce éternel que l'on veut faire. J'écris fort haut à quiconque voudra l'entendre. Taillez, coupez et tranchez. Ne vous amusez pas à découdre ces folles amitiés ni à démêler le lien. Il faut promptement y mettre le fer et le feu, et l'on ne doit point ménager un amour qui est si contraire à l'amour de Dieu. Mais, direz-vous, les esclaves qui ont été affranchis ne portent-ils pas toujours sur eux les marques de leur fer? Et quand j'aurai rompu mes chaînes, mon cœur n'en retiendra-t-il pas les impressions? Marque bien importune d'un esclavage qu'on a trouvé trop dur. Non, Philothée, si vous détestez tout votre péché autant qu'il le mérite, il ne vous en restera qu'une extrême horreur qui vous affranchisse de toutes les mauvaises inclinations passées, ne laissera tout au plus à votre cœur que les sentiments de la charité chrétienne que l'on doit à son prochain, quel qu'il soit. Mais si votre pénitence n'est pas assez forte pour arracher de votre cœur ces mauvaises inclinations jusqu'à la racine, voici les règles que vous devez suivre. Faites-vous, comme je vous l'ai enseigné, une solitude intérieure en vous-même. Retirez-vous-y et par le plus vif s'élancement de votre âme, mille fois réitérez, renoncez à toutes vos inclinations, abjurez toutes les attentes que votre cœur en sentira. Donnez plus de temps à la lecture des saints livres. Confessez-vous plus souvent, communiez selon vos besoins et de l'avis de votre délecteur. Découvrez-lui ou à une personne fidèle et prudente vos peines, vos tentations, toutes vos dispositions avec beaucoup d'humilité et de sincérité. Et si vous persévérez fidèlement en ces exercices, ne doutez pas que Dieu ne vous affranchisse des restes de vos passions. Ah, repartez-vous, ne sera-ce point une ingratitude de rompre d'une manière si dure? Ou la bienheureuse ingratitude que celle qui vous rendra agréable à Dieu? Non, je vous le dis de la part de Dieu, non, Philothée, ce ne serait pas une ingratitude, mais un grand bienfait. En rompant vos liens, vous romprez ceux d'un autre, et quoique son bonheur lui soit caché, ce ne serait pas pour un long temps. Et bientôt chacun dira de son côté, en action de grâce, comme David. Ô Seigneur, vous avez rompu mes liens. Je vous en offre un sacrifice de louange et de reconnaissance. Et désormais, j'invoquerai votre nom dans une douce et entière liberté. Fin de chapitre 21, troisième partie.